sourire sur ses lèvres qu'il voit s'élever dans les vagues. La couleuvre de rancœur à l'allure colossale. Il aimerait qu'on le délivre de ce roc enchaîné, harnaché, je crois qu'il a fait dans son froc. Le jeune orphelin frêle prend des rafales de flots. La couleuvre le frôle, commence à lacérer sa peau. Mais c'est pas mon affaire et je reste spectateur. La foule affreuse a faim de ce jeu de fossoyeurs. Je m'éclipse quand claque les cris, je m'explique les crimes qu'on acclame. Ça me durcit l'abdomen et j'ai jamais été fan d'une justice qui t'emmène jusqu'au supplice d'Andromède. Savourer la chute de tous ceux qui ont osé un jour s'élever. L'ampleur de la couleuvre qui arpente l'océan grandit grâce à l'aigreur de nos langues de serpents. Et certains s'amplifient et fructifient les perfidies. La rumeur même alarme ce qu'on rectifie, qu'on certifie. Qu'importe ce fruit pourri tant hypocrisie, tant qu'on crucifie. Chaque vie qu'on sacrifie, c'est de l'harmonie. Jusqu'au supplice.